bien voilà, c'était Clémence Henry sur RGM. Allez, il est un peu plus de 8h35, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 19 mars 1936, naissance d'Ursula Andress, actrice suisse, notamment connue pour avoir joué dans James Bond 007 contre Dr No, ou encore la série télé Falcon Crest. 1937, naissance de Clarence Henry, chanteur et musicien américain. 1946, naissance de Ruth Pointer, chanteuse américaine des Pointer Sisters. 1947, naissance de Glenn Close, actrice américaine vue dans Liaison Fatale dans le rôle d'Alex Forrest, Les Liaisons Dangereuses dans le rôle de la marquise de Merteuil, en 1990 dans Hamlet, ensuite dans Hook ou La Revanche du Capitaine Crochet. Elle a joué Cruella d'Enfer dans Les 101 Dalmatiens, ainsi que la suite Les 102 Dalmatiens, vue dans Mars Attacks et L'Homme créé à la femme, Les Gardiens de la Galaxie dans le rôle de Nova Prime Irani-Israël, dans Seven Sisters dans le rôle de Nicolette Kémant, ou encore plus récemment dans le film The Wife dans le rôle de Joan Castleman, et vue aussi dans la série Damages dans le rôle de Patty Hewis. 1955, naissance de Bruce Willis, acteur américain vu dans Die Hard 1, 2, 3, 4 et 5 dans le rôle de John McClane, Le Dernier Samaritain, Piège en eau trouble, Pulp Fiction dans le rôle de Butch Collidge, L'Armée des Douze Singes, Le Cinquième Élément dans le rôle de Corbin Dallas, Le Chacal où il interprète le chacal, Armageddon dans le rôle d'Harry Stumper, Sixième Sens dans le rôle de Malcolm Crowe, Mon Voisin le Tueur 1 et 2 dans le rôle de Jimmy Tudesky, Charlie's Angel 2, Ocean's 12 où il incarne son propre rôle, Alpha Dog, Expendables 2 dans le rôle de Monsieur Chappelle, G.I. Joe Conspiration dans le rôle du général Joe Colton, et à la télé dans la série Clair de Lune dans le rôle de David Addison, et apparu également dans Friends ou encore That 70 Show, et producteur des films Die Hard 4 et 5. 1964, naissance de Jake Weber, acteur britannique vu dans Né un 4 juillet, L'Affaire Pélican, Rencontre avec Joe Black dans le rôle de Drew, L'Armée des Morts, Waterhouse Down, la série télé Medium dans le rôle de Joe Dubois, The Blacklist, Secret and Lies ou encore 13 Reasons Why. 1972, naissance de Mallory Nataf, actrice française connue pour son rôle de Lola Garnier dans la série Le Miel et les Abeilles, vue également dans la série Sous le Soleil. 1979, naissance d'Ivan Ljubičić, ancien joueur de tennis croate ayant fait carrière de 1998 à 2012, qui a été numéro 3 mondial en 2006, demi-finaliste à Roland-Garros, quart de finaliste à l'Open d'Australie, 16e de finaliste à Wimbledon ainsi qu'à l'US Open. Aux Jeux Olympiques, il a remporté une médaille de bronze en double, c'était en 2004. Avec la Croatie, il a remporté la Coupe Davis en 2005 et à son actif, il compte également une World Team Cup obtenue en 2006. 1982, naissance de Nicole Ferroni, comédienne et humoriste française, découverte dans l'émission On ne demande qu'à en rire. Et en 1687, décédé René Robert Cavalier de La Salle, explorateur français, explorateur, voyageur. Il a parcouru la région des Grands Lacs des États-Unis et du Canada actuel, puis le fleuve Mississippi, et a ainsi découvert les territoires situés entre la vallée du Saint-Laurent et le delta du Mississippi. Allez, tout de suite, on écoute les Pointer Sisters avec leur titre « I'm so excited ». Les Pointer Sisters sur le 107 FM, il est presque 8h44. Eh bien, il est temps pour nous de faire un point météo. La météo. Et la journée d'aujourd'hui sera placée sous le signe des éclaircies, des températures comprises entre moins 1 et 1 degré ce matin, entre 9 et 10 degrés pour cet après-midi. Mercredi et jeudi, nous aurons de très belles journées ensoleillées avec pour mercredi des températures comprises entre moins 2 et moins 1 degré le matin, entre 10 et 12 degrés prévus pour mercredi après-midi. Et jeudi, des températures comprises entre moins 1 et 0 degré le matin et entre 12 et jusqu'à 14 degrés prévus pour jeudi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. On commence avec le cyclisme et le Tirreno Adriatico et une nouvelle victoire pour le Français Julien Alaphilippe. Une étape hier qui s'est terminée au sprint et c'est donc le Français qui s'est imposé. Un mot de tennis maintenant avec le tournoi de Miami. Hier, c'était le dernier jour des qualifications et côté féminin, à noter l'élimination de Ferro en 3-7 face à Jakubović. 1-6, 6-3, 6-2. Aujourd'hui, Parmentier affrontera Gasparian et Mladenovic sera opposé à Wang. Et côté monsieur, Tsonga s'est qualifié en 2-7 face à Rosol, 6-3, 6-4. Il affrontera aujourd'hui Cuevas. Un mot de basket maintenant avec les résultats de NBA. L'Utah Jazz de Rudy Gobert s'est imposé face à l'équipe de Washington de Miami, 95 à 116. Côté Washington, 2 points et 2 rebonds pour Miami et pour Rudy Gobert, 14 points et 14 rebonds. Et enfin, les Chicago Bulls de Luau Cabarro se sont imposés face à l'équipe de Phoenix, 101 à 116. 7 points et 2 rebonds pour le Français. Un mot de biathlon maintenant. Décidément, on n'arrête pas de parler de Martin Fourcade. Il avait déclaré après la Mastart qu'il serait bien présent à Oslo pour les dernières épreuves. Il sera bien à Oslo, mais en tant que spectateur. Il fera d'ailleurs un point à cette occasion avec le staff sur sa préparation estivale en vue de la saison prochaine, mais il ne courra pas le dernier sprint, ni la dernière poursuite, ni la dernière Mastart. Et on connaît la composition des équipes de France féminine et masculine pour cette dernière étape de Coupe du Monde. Côté féminin, il y aura 6 Françaises, à noter l'absence d'Anaïs Chevalier, dont on pouvait s'y attendre vu sa méforme sur les championnats du monde la semaine dernière. Alors on retrouvera côté donc féminin Célia Émonier, Anaïs Bescon, Justine Brezaz, Chloé Chevalier, la petite sœur d'Anaïs Chevalier, Caroline Colombo qui fait son retour dans l'équipe A et Julia Simon. Et côté messieurs, il y aura Simon Détieux, Quentin Fillon-Maillet, Simon Fourcade, Antonin Guigona, Émilien Jacquelin et deux autres qui font leur retour dans l'équipe A avec Aristide Beg et notre Vosgien Fabien Claude. Si vous êtes bon en calcul, vous l'aurez compris, il y aura 7 Français au départ du sprint. Alors pour les messieurs, ce sera rendez-vous vendredi après-midi et pour les dames, ce sera jeudi pour le sprint. Et enfin, on termine avec une information côté natation et dans un entretien accordé à nos confrères de l'équipe qui sortira d'ailleurs aujourd'hui, Florent Manaudou annonce qu'il va reprendre la compétition en vue des Jeux Olympiques de Tokyo de 2020. Voilà qui est dit. Allez, c'est tout pour l'actu sportive d'aujourd'hui. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale et on va s'écouter la nouveauté signée M. Pokora et son titre « Les planètes ». Des phares, 207 chambres d'hôtel. Je t'appelle mais tu décroches pas. Seul sur la route, entre mes rêves et mes doutes, au milieu de la piste de danse. Dernier verre et je pense à toi. Un shot, je pense à toi. Deux shots, je pense à toi. Trois shots, je pense à toi. Quand je danse, quand tu danses, les planètes tournent tout autour.